Dès le début de la journée, je subis un manque d'énergie. Entendez-vous en arrière? Pas beaucoup. Pardonne-moi parce que c'est une question indiscrète. Dès le début de la journée, je subis un manque d'énergie progressif jusqu'en soirée où le phénomène inverse se produit, au point où je tarde énormément à m'endormir, étant trop énergisé. Peux-tu expliquer? Oui. Relis les questions. Explique. Il m'entend bien en arrière, moi. Donc, dès le début de la journée, je subis un manque d'énergie, comme on vient de... progressif jusqu'en soirée où le phénomène inverse se produit. Au point où je tarde énormément à m'endormir. C'est très, très facile à expliquer. Il suffit de parler. C'est donc de parler, voir. Il y a différents corps physiques qui sont bâtis de façon à dormir la nuit et à travailler le jour. Il y en a d'autres qui sont bâtis à l'inverse. Et donc, qui s'énergisent et se dynamisent au fur et à mesure que la nuit arrive. Est-ce que ça change, ça? Ah, ça peut se changer. Sans changer de corps physique. Bon. Oui et non. Comment, tu veux? Comment oui? Lequel tu comment veux? Oui, parce que moi j'ai le même problème. De la misère à dormir. De la misère à me lever le matin, de la misère à dormir le soir. Le son est trop fort. De plus j'éloigne les micros, plus il monte le son. Hein. Bon, premièrement, l'individu, donc, c'est ça, c'est qu'au cours de la nuit, elle va dans des... Premièrement, son corps physique, présentement, vibre à une tellurie yin, c'est-à-dire qu'il se nourrit énormément d'énergie yin pendant la nuit, et le corps devient totalement apte à fonctionner lorsque le soleil se retire. En l'occurrence, lorsque l'énergie solaire, donc le yin, s'éloigne, l'énergie tellurique, ce qu'on appelle le yin planétaire, peut maintenant prendre une... prédomine, et la personne se sent dynamisée, survoltée, et là, c'est le temps, là, elle veut, son corps veut faire quelque chose. Donc, le cerveau se met à travailler. Le cerveau commençant à travailler, nécessairement, cela surexcite l'individu, et cela l'amène à être fonctionnel. Lorsque la journée arrive, le yang lentement prend de la place sur le yin, et progressivement, le cerveau commence à perdre son efficacité de travailleur, et l'individu, donc, neuroniquement, nerveusement, commence à s'endormir. Et elle va perdre son énergie, c'est-à-dire qu'elle va perdre sa motivation énergétique au long de la journée, parce qu'elle le perdrait plus rapidement, mais étant donné qu'elle est réveillée, que sa conscience veut travailler, veut faire quelque chose, eh bien, cela va supporter un peu cet endormitoire qui va apparaître, puis à un moment donné, elle s'en va. Pour changer ça, la personne devrait pouvoir se payer le luxe de faire quelques siestes dans la journée. Je sais que les patrons ne comprennent pas tout. Bon, c'est rare, les patrons... Mais si tu fais des siestes dans la journée, tu vas être encore plus reposé le soir, tu vas encore plus de misère à dormir. Non. Ce qui va arriver, de dire une chose aussi, non, tu ne seras pas plus nécessairement plus en forme. C'est sûr que je parle d'une sieste, je ne parle pas de dormir 8 heures dans la journée, on parle d'une sieste. L'autre chose, la personne doit s'arranger pour tout faire pour parvenir à se coucher de bonne heure et de bonne humeur. Les deux en même temps. Oui. Et ça dépend des individus, là, comme ça ici, sauf que ça peut lentement retransformer le métabolisme. La personne devra apprendre à se coucher. 9h30, là, ça commence à être pas mal, parce que ça commence à être tard. Là. Ah oui? Alors, nécessairement, quand elle va vouloir se coucher, ça peut aller, et progressivement, elle va probablement changer sa structure. Sauf que ça ne se fera pas du jour au lendemain comme ça. Ni de la nuit au lendemain soir. Là. Pourquoi de bonne humeur? De bonne heure et de bonne humeur? C'est une farce ou c'est sérieux? Mais non, c'est très sérieux. Qu'est-ce que ça change de coucher de bonne humeur ou pas de bonne humeur ou de mauvaise humeur? Mais de bonne humeur à te dormir, de mauvaise humeur à te dormir à minuit, fait que c'est la même affaire. Si tu couches de bonne humeur, tu vas dormir plus vite. Uh-huh. OK. Est-ce que la fatigue est nécessairement une perte d'énergie? Non. Souvent. Faire un travail mental, aller à l'école par exemple, hein? Bien souvent aller à l'école, on ne se rend pas compte, mais c'est extrêmement épuisant, quel que soit l'âge de l'individu. C'est sûr que chez un enfant plus jeune, ça paraît moins parce que l'énergie, il y en a en masse, il y a moins d'inhibition, il y a beaucoup moins de problématiques, il est moins adulte, donc il perd moins d'énergie. Sauf que ça prend beaucoup d'énergie. Travailler dans un bureau, travailler à la maison, travailler, il y a énormément d'emplois qui vont prendre énormément d'énergie, et cela va se répertorier, va transparaître dans des problématiques physiques. Donc, en l'occurrence, une perte de capacité de travailler au niveau cérébral. Mais normalement, cela aussi peut apparaître sous une forme d'hyper-irritabilité. Donc, tu commences à faire fatiguer nerveusement. Le corps physique, donc, se fatigue. Alors, ça devient plus irritable, plus colérique, plus impatient, etc. Par contre, il y a aussi une autre forme d'épuisement. C'est que tout au long de la journée, si on continue, si on passe notre temps à placer toutes nos énergies de façon à entretenir des boucliers. Des boucliers qui nous protègent des agressions extérieures et qui font surtout en sorte que les individus ne peuvent pas pénétrer nos boucliers, nos défenses, ne peuvent pas nous pénétrer suffisamment pour nous connaître tels que nous sommes réellement. Parce que l'ego ne se connaît pas tel qu'il est. Tout ce que l'ego connaît de l'homme, bref, tout ce que vos égos connaissent de vous, c'est ce que vous n'êtes pas. Et c'est juste à partir de cette connaissance-là, donc de ce que nous ne sommes pas, que nous essayons de nous faire connaître aux autres. Alors, là, ce qui va arriver, c'est que tout au long de la journée, si on passe notre temps à entretenir des barrières pour empêcher les individus de nous connaître mieux, bref, si on fait tout pour empêcher la transparence de ce que nous sommes, eh bien, on va puiser énormément dans le corps vital. Puiser dans le corps vital, on va affaiblir le corps physique, et le corps physique aura donc besoin de beaucoup de sommeil. Sauf que, et là, c'est pas une fatigue physique, une fatigue qui part du point de vue de l'énergie vitale, donc il manque d'énergie. Et là, on aura besoin, à un moment donné, parce qu'on aura puisé beaucoup d'énergie vitale dans le corps physique, on aura besoin de beaucoup plus de sommeil et on aura besoin aussi de beaucoup plus d'alimentation. Maintenant, quand une personne se sent fatiguée, il peut y avoir, non pas perte d'énergie, mais peut se sentir fatigué uniquement parce qu'il y a eu surusure du corps physique. C'est quand même un instrument comme une automobile. Alors, il n'y a pas nécessairement perte d'énergie, sauf qu'on doit laisser reposer le corps physique. Alors, il peut y avoir une surusure, par exemple, du système endocrinien, du système nerveux, du système de communication, du système de locomotion. C'est-à-dire qu'une personne qui travaille musculairement un peu trop, elle va finir par travailler d'une façon anaérobique, donc elle va travailler avec manque d'oxygène. Elle aura donc une grande sécrétion d'acide lactique, ce qui fait qu'on est raqué. Puis qu'on peut aussi avoir une forme de fatigue. Ce n'est pas une perte d'énergie, sauf qu'on doit laisser le corps cesser de bouger un bout de temps pour que le sang puisse éliminer l'acide lactique. Un bon massage peut aussi régler le problème. Une fatigue qui n'est pas une perte d'énergie, ça se répare après 20 minutes à dormir ou à plus ou moins dormir dans un bain où la température n'est pas trop chaude, pas trop froide. Ça se répare après une douche assez violente. Ça se répare après un massage fait convenablement. Ça se répare après la méditation. Il n'y a pas perte d'énergie. On permet au corps de se restaurer d'une façon convenable. On gère l'énergie sans savoir. Quand je dis gérer l'énergie, souvent, c'est gérer mieux votre énergie. C'est comme de dire digérer mieux. Mais comment on fait ça, digérer mieux? Stressez-vous pas, etc. Quand on parle gérer l'énergie, c'est la même chose. On n'a pas besoin de connaître toute la mécanique du phénomène énergétique. Cessons de nuire. Puis là, on va gérer comme il faut. C'est facile de gérer la nature. Et gérer les forêts, coupe moins d'arbres. Bien facile, c'est ce que tu dis. Dans ce que tu disais tantôt par rapport au bouclier, vu qu'on n'accepte pas de se connaître, de se reconnaître tel quel, c'est-à-dire que l'ego ne laisse pas ça s'exprimer, ne laisse pas l'être s'exprimer, le bouclier, c'est l'équivalent de soutenir un mensonge perpétuel? Oui. En dépense d'énergie? L'archétype crée des boucliers. Je donne un exemple. Je rencontre une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps, et puis, j'ai le goût de m'approcher d'elle. Mais j'ai le goût vibratoire. Ce n'est pas un goût émotif, c'est-à-dire que quand elle n'est pas là, je ne m'ennuie pas. Mais quand elle est là, je suis content. Donc, ce n'est pas une question d'émotivité. Du point de vue énergétique, je peux me nourrir de sa présence, et elle aime aussi. Donc, elle peut se nourrir de la mienne. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que dans les boucliers, dans la perte d'énergie ou dans les archétypes, il y a un processus qu'on appelle apprivoiser. Alors, progressivement, dans n'importe quelle même structure d'évolution, on doit s'apprivoiser soi-même, apprivoiser notre mental, apprivoiser l'intelligence, apprivoiser l'ego. On doit apprivoiser autrui, apprivoiser la nature, apprivoiser le neuf, donc ça fait se faire apprivoiser par le neuf. Et tout ça, c'est une grande perte d'énergie. C'est-à-dire que l'individu, on appellera cela s'adapter. On appellera cela aussi se dégêner. Alors, tu n'as pas vu, tu es jeune, tu vois ton oncle ou ta tante, et une fois par année, chaque fois que tu les vois, tu es content, mais tu ne sais pas comment leur dire, tu ne sais pas quoi faire, tu es pogné. Eux, sont-tu contents aussi? Bon, ben peut-être qu'ils te serrent la joue, là, ça, ça commence à s'en aller, depuis que les enfants mordent. Et puis, progressivement, les deux personnes vont se déjeuner, puis après quelques heures, une demi-journée, eh bien là, c'est plaisant comme c'était v'là un an. Mais dans un an, on va recommencer encore avec paf. Pourquoi? Parce que là, on ne sait plus si, comment l'autre est rendu. On a mis plein de boucliers aussi. Les trous qu'on avait de communication sont fermés. Énorme perte d'énergie. Et là, maintenant, pour jeter à terre un bouclier, énorme perte d'énergie. Mais, quand on va revenir à la fin du mois sur le processus même de désinhibition, ce qui rend l'humain heureux, mais pas heureux dans le sens émotif, ce qui rend l'humain bien, uniquement parce qu'il est bien, mais c'est simple. Ce qui va arriver, c'est que l'énergie que l'on cumule va servir. On va parler possiblement la semaine prochaine aussi de l'énergification. L'énergie que l'on doit cesser de perdre doit devenir la force motrice pour nous permettre de briser des mécaniques d'évolution. Cesser de perdre son énergie va nous permettre de jeter à terre des boucliers, justement. Et là, on va dire, oui, mais ces boucliers-là te protègent. Ces boucliers-là n'ont qu'une seule fonction, humainement, c'est de faire en sorte que la vérité ne nous gicle pas trop violemment au visage. Uniquement. Alors, il vient un temps où l'individu est capable de conserver son énergie, d'être de moins en moins manipulable par autrui, d'intelligencer le fait que lorsqu'elle chiale, elle chiale pour rien. Elle chiale tout court, perte d'énergie, elle est malheureuse, elle s'ennuie, elle est en colère, elle a le goût de jouissance sexuelle, etc. Elle est continuellement sous le joug d'un archétype qui lui dit « Voilà comment tu dois agir aujourd'hui. » Il est 7h05, tu es 5 minutes en retard. Voici comment tu dois agir. Il y a deux archétypes qui vont te dominer. Un où tu te stresses, c'est absolument folle. L'autre où tu te relaxes, puis tu rempires tout. Bon, les jeunes, souvent, vont être liés à l'archétype où ce qui rempire tout. Puis l'adulte, souvent, à l'archétype où ce qui rempire tout aussi, mais il court comme des bons. Bon. Lorsque l'individu vit, de toute façon, il y a une intelligence à l'inhibition par l'archétypage, mais à un moment donné, quand tu es suffisamment en contact avec ce que tu es toi-même, lorsque tu es suffisamment conscientisable, transportable, lorsque tu es capable de voir les choses telles qu'elles sont, même si tu restes manipulé par l'archétype, parce qu'on est manipulé par le facteur des motifs et le facteur de la pensée, il vient un moment donné où la majorité des énergies qu'on a ramassées vont servir uniquement à jeter des boucliers par terre, parce que maintenant, nous sommes prêts à recevoir la vérité en plein visage. Qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, ça va être, à un moment donné, que, outre la sexualisation chez la femme et chez l'homme, il n'y a aucune différence fondamentale du point de vue de leur conscience. On va dire, ben oui, mais ça, c'est pas dur à savoir plein visage. Non, c'est évident, parce qu'on fait que le dire. Il n'y a rien là. Il y a une nuance. Je le dis, et vos boucliers filtrent. Même le juge qui dit qu'une femme, c'était comme un règlement, une loi, c'était comme une femme, c'était fait pour être violée. Si je dis ça ce soir et qu'il m'entend, il va dire « Ah, oh, c'est sûr, c'est pas rien. » Oui, il n'y a toujours rien là, parce que les boucliers protègent. Comme je dis souvent dans le séminaire, où on en arrive à une évidence même que la personne n'a pas de libre-arbitre, mais qu'il y a une liberté au niveau de la conscience, mais il n'y a pas de libre-arbitre au niveau de l'expérience de sa vie, et bon, ben, on le voit, OK. Parce qu'au niveau du séminaire, je jette certains boucliers, enfin je ne les jette pas à terre, je les tasse temporairement. La personne, ce qu'elle savait, eh bien là, elle le sait d'une façon fulgurante. Ça l'énergise, évidemment, parce que les individus deviennent prêts. Toute l'énergie qu'on doit ramasser doit nous permettre de faire ceci. On va revenir de toute façon plus tard, mais c'est important quand même qu'on comprenne déjà le principe. Il y a une nuance majeure entre être centré dans son énergie et être centré dans l'énergie des autres. Vous vous promenez sur le trottoir, vous voyez un groupe d'adolescents et d'adolescentes ou un groupe d'adultes, puis c'est en train de... ça parle fort. Ça se bouscule, puis ça rit, puis ça niaise. Bon. Alors, quand vous arrivez sur le même trottoir qu'eux, vous vous posez la question, l'archétype vient vous chercher. Puis là, on commence à juger. Là, tu vis ça, puis c'est ici, puis c'est ça, puis ils sont comme ci, puis ils sont comme ça, puis c'est une gang de délinquants, puis ils ont peut-être bu, puis ils sont peut-être drogués. Pourquoi? Parce que nos boucliers doivent nous protéger. Nous ne sommes pas capables de vivre en face de nous l'expérience d'individus qui ne semblent pas pognés. Alors, on se protège, c'est-à-dire que moi, je suis beau et je suis fin, eux autres sont laids et mauvais, ça me permet de considérer, de bien supporter mes boucliers, j'ai raison de faire attention. Et là, il y a l'archétype maintenant qui peut me dire, je fais le tour en traversant la rue, ou l'autre archétype qui me dit, ben je traverse le groupe de jeunes en espérant qu'il ne se passera rien. Mais là, juste quand se traverse, si c'est un groupe de jeunes qui ne sont pas suffisamment évolués, donc, qui ne sont pas suffisamment pognés, donc, qui ne sont pas suffisamment inhibés, bien, quand tu vas passer, il y en a un qui va en profiter pour pousser son chum sur toi. Ah, tu s'en fout, là. Il veut juste que son chum, de pousser sur quelqu'un. C'est amusant. Bon. Que ce soit des adultes ou des adolescents. Si maintenant on aurait dit ça, c'est des êtres humains centrés dans le collectivisme. Là, l'archétype avec aime ça. L'archétype veut se nourrir. Alors, en poussant son ami sur toi, tu te mets à sécurité, ton cœur accélère, tu passes plein d'affaires, tu nourris les archétypes. Là, il y a deux archétypes qui se nourrissent en même temps. Absolument. Il y en a même plusieurs autres. Ouais. Maintenant, prenons l'exemple d'individus qui, eux, sont centrés dans leur intelligence. Ils sont sur le même trottoir, ils sont en train de parler. Ils parlent comme on peut parler. Ils parlent. Ils rient, s'amusent. Leurs farces ne seront pas des farces d'imbéciles. C'est dans le genre, on va te conter une farce bien drôle. C'est un prêtre tout nu. Tout le monde se marie. Un prêtre tout nu, c'est drôle. Genre de farce conne, là. Bon. Qu'il n'y a rien de drôle, mais tu ris parce que le bouclier, tu ris, c'est le stress que tu exprimes dans ton rire. Puis le pognage avec. Bon. Parce qu'un prêtre, c'est toujours tout nu en dessous de ses vêtements, tu sais. Mais ça, bon, en tout cas. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que là, il y a des farces. Même chose, ça parle à voix haute, etc. L'archétype te ramasse aussi. Puis tu décides encore que tu passes. Quand tu vas passer, les gens vont te laisser la place. Et ils ne te regarderont pas trop passer parce qu'ils savent qu'il y a un archétype qui sait que quand tout le monde te regarde, tu fonds. Tu te sens diminué. Alors, ils vont continuer à jaser ensemble en faisant un trou, puis tu vas passer. Puis quand tu es passé, ils vont continuer à placoter. Dans l'expression de l'événement, c'est la même chose. Il y en a qui sont intelligents, écologiques, conséquentiels, transparents, purs, propres, ça va. Les autres sont colorés, boucliers, pognés, perte d'énergie, travaillent pour s'en sortir, donc devront s'inhiber pour parvenir à trouver de l'intelligence. C'est totalement différent. Mais dans le visuel, c'est similaire. Alors, l'individu qui parvient à se respecter est un individu qui ne se libère pas. Et c'est important qu'on voit la nuance. On va y revenir de toute façon. Mais vous respectez, comme tout à l'heure je disais, si je me respecte, je ne t'aide pas. Mais il y a une nuance. Vous savez, à un moment donné, est-ce que l'être humain est capable de respecter son corps physique? Plusieurs personnes vont dire oui, depuis qu'il y a la libération sexuelle. La libération, c'est aboutir à une expression similaire de l'intelligence, sans l'intelligence, pour la diriger. Les jeunes sur le trottoir qui se bousculent puis qui en bousculent un sur toi sont libérés. Ils n'ont pas peur de déranger. Alors que ceux qui ne crient pas et qui font attention pour ne pas parler, pas déranger sur les automobiles stationnées, eux sont pognés. Ils ont peur de déranger. Et les autres qui, eux, sont centrés dans leur intelligence, donc sont capables de, avec l'énergie, ils ont réussi à acheter les boucliers par terre, eux ne sont donc plus pognés, ils vont maintenant parler comme des humains devraient parler, mais l'intelligence dirigeant ce qu'ils sont, lorsque tu parles, c'est bien l'écologie te permet de passer. Autrement dit, ils vont faire les fous sans écraser de fourmis. Alors que les autres, ils vont faire les fous en écrasant tout le monde. Grosse nuance. L'énergie que l'on doit ramasser devra servir à un moment donné à briser les boucliers. Et les boucliers, non seulement nous permettent de préserver nos égos, nos traditions, donc l'échafaud contre la vérité en plein visage, mais en même temps, ils ont aussi un inconvénient, c'est qu'ils empêchent une grande quantité d'énergie que la tradition appelle l'esprit, votre intelligence, de descendre et de finir par s'établir dans le corps. Donc, on ramasse de l'énergie planétaire, l'énergie de l'expérience, pour jeter des boucliers à terre à un moment donné, mais les boucliers ont servi à ramasser cette énergie. Dommage, c'est comme ça. Quand on va les jeter par terre, rendu à un certain moment donné, tu vas perdre ton énergie en jetant tes boucliers. Sauf que tu vas maintenant t'expandre au soleil. Donc, tu auras de l'énergie comme tu n'as jamais eu. Et là, tu vas commencer un processus de fusion, un processus de rayonnement. Nécessairement, il y aura plein d'énergie qui va évidemment sortir de toi, mais il n'y a aucun problème, tu la génères toi-même. Tu es un générateur d'énergie. Tu ne perds plus d'énergie. Vous allez voir que la vie devient pétillante. On n'a même pas besoin de boire des trucs alcoolisés. Faut-il croire au temps? Non, vous allez croire au temps tant que vous allez croire au temps, et quand ce sera le temps de plus croire au temps, vous ne croirez plus au temps. Vous devez savoir que le temps est une illusion. Au temps en emporte le vent. Au temps en emporte le temps. Si les gens gardent ta photo, quel effet cela peut avoir en énergie? Pas de jamais ça. Dans le temps que tu avais des cheveux. Ben, s'ils la gardent pour que personne la vole, ça dérange pas trop. S'ils gardent la photo. Ça n'a absolument aucun effet en énergie. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre énergie, la transmettre dans l'image que vous voulez faire de la photo, et par la suite, vous allez vous imaginer que la photo vous la restitue. Donc, vous faites de moi une forme de maître, et vous faites de vous une forme d'esclave. Plus je serai maître, plus vous serez esclave. Moi, ça ne me dérange pas et ça ne m'arrange pas. Ça ne me sert pas, ça ne me nuit pas. Vous, ça vous dérangera, même si ça fait comme si non. Quand tu as froid, tu prends de l'alcool. Ça crée de la vasodilatation, donne l'impression de te réchauffer. Vasodilaté, tu perds plus de chaleur. 30 minutes après, tu es plus gelé qu'avant. C'est ça. Tu prends encore de l'alcool, ça fait le même effet, puis tu t'en vas lentement dans ce qu'il ne faut pas. Alors, ça n'a rien à voir. Ça, c'est comme de la nostalgie, c'est comme... Ça n'a vraiment... Non. En plus, au niveau d'une conscientisation vers l'individualisation, c'est même pas votre photo que vous devriez avoir devant vous, parce que votre photo, c'est une cristallisation de ce que vous étiez, là, le temps où on a pris la photo. Ouvrez donc votre star, là, puis regardez dehors. C'est la ville? C'est la ville. C'est plus plaisant si c'est un paysage naturel, mais c'est ça. Mais on ne doit pas... Regardez-vous dans le miroir, c'est déjà beaucoup mieux. C'est pas ce que tu manques. Là, il faudrait que je lise, là, le misère. N'y a-t-il pas de... Je sais pas ce que c'est écrit. Au niveau de la formation cosmique, quelque chose de type, là, c'est de le... Bon, n'y a-t-il pas d'archétype au niveau de la formation cosmique? Ah, c'est ça que je disais. Tu la lis? Il n'y a pas d'archétype en ce qui concerne la gestation des mondes créés. Hein? Il y a plusieurs créations, j'appelle création, l'engendreur de l'action, le seul et unique. Sauf que il y a énormément d'archétypes pour nous permettre d'expliquer ces mécaniques. Et les archétypes nous permettent uniquement d'expliquer une mécanique réactionnelle en fonction de ce que l'ego, de ce que la tradition, de ce que l'âme, de ce que la mémoire, de ce que l'expérience dans l'homme peut supporter d'apprendre. Alors, quand l'humain ne peut absolument pas comprendre la mécanique de l'énergie, d'ailleurs, la majorité des mécaniques célestes, alors on pourra expliquer, l'archétype sera un archétype père-mère. Pourquoi? Parce que l'humain ayant vécu qu'il vient d'un père et d'une mère, et ayant vécu qu'il a été aidé par un père et une mère, il en projettera évidemment cette vision dans une explication cosmogonique où on aura un père et une mère, la mère la terre, le père sera le soleil, bien souvent, créateur. Par la suite, on pourra mettre mon oncle, ma tante, il y aura une panoplie de Dieu, jusqu'à temps que Moïse va monothéiser ces choses-là, créer un seul Dieu, enfin tout placer ça sous le joug d'un Dieu, avec une hiérarchie, les archanges, etc., en dessous les anges. Mais il n'y a pas d'archétype dans la formation, mais il y a des archétypes dans l'explication de la mécanique. Et plus on va néotyper, plus on se rapprochera de quelque chose de pur. Mais vous savez une chose, c'est que jamais l'homme ne pourra comprendre la mécanique réelle et instantanée de la création des super-univers, comme des univers, comme des galaxies, comme des systèmes solaires. Par contre, chaque fois que nous amenons une nouvelle compréhension de la chose, nous néotypons, nous amenons de nouvelles formes, et cela oblige les structures cérébrales de la conscience de l'humain à s'adapter à quelque chose de neuf. Et c'est uniquement cette adaptation-là qui est évolutive et non pas ce que tu en comprends. Exemple. On assiste à une conférence comme ici ce soir. Ça peut se faire partout sur la planète avec d'autres choses, là, mais on prend l'exemple ici ce soir. Ce n'est pas ce que vous retenez de la conférence. Mais la démarche que vous devez faire pour comprendre des choses, la démarche que l'humain doit faire pour travailler sur certaines choses, c'est cette démarche-là qui est évolutive. Et non pas le bagage de connaissances que tu vas conserver ou en retirer. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous comprenez que 5 et 5 font 10 qui est intéressant. L'évolution provient du fait que vous êtes parvenu à être capable d'accepter dans la conscience. La mécanique 5 et 5 font 10. Après, tu l'oublies, ça ne dérange rien. Donc, quand un individu à l'école, par exemple, apprend les tables, 2 et 2, 4, 2 et 3, 6, je ne dirais pas tout en cas, je me tromperais. 2 fois 3, alors je peux oublier, moi. Lorsque l'individu apprend ces tables-là, il n'y a pas de structure d'évolution. Lorsqu'un individu comprend la mécanique de la mathématique, il y a évolution. Même si par la suite, il n'est pas capable de faire des mathématiques, il a évolué. Mais il évolue dans l'intelligence, il évolue dans la capacité d'accréditer des choses neuves. Dans la restructuration du cerveau pour être capable de comprendre la mathématique, il n'a pas évolué dans l'intellectuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris ses tables par cœur. Alors, l'évolution de l'humain, on parle d'un archétype, il y a des archétypes pour expliquer la création, mais ce n'est pas important. L'important, c'est qu'on soit capable d'accepter de nouveaux néotypes, qui par la suite deviendront des traditions aussi. À un moment donné, c'était Dieu qui avait créé l'homme. Bon, on a un néotype maintenant, c'est des extraterrestres. Bon, oui, mais c'est la même chose. Ça permet simplement que l'humain doit changer dans sa conscience des mécaniques, et l'énergie qui lui permet le changement, c'est utile. C'est ça qui est intéressant. C'est le reste, non. Je faisais de la raquette et l'autre personne du ski de fond. Fatigué, celle-ci s'étend par terre et je décide de faire des exercices, de faire des exercices de relaxation. Nous étions seuls dans le parc quand tout à coup un automobiliste s'arrête et demande à la personne étendue par terre si elle a besoin d'aide. Pourquoi est-ce toujours comme ça quand on est naturel? Pourquoi s'arrange-t-on pour nous normaliser, même en nous envoyant un bon samaritain qu'on n'avait nullement besoin? Qui dérangions-nous? Nous étions seuls. Vous dérangez la planète. C'est... Présentement, il n'y a pas suffisamment de néotypes, et ça, c'est une chose qui est intéressante de comprendre, c'est que dans la majorité des fois où vous allez avoir une tendance à être heureux, et pas d'un bonheur sécurisé, tendance à être capable d'exprimer du bonheur au travers de vous, quelle que soit la situation, comme là dans le parc, c'est pas nécessairement une sécurité. Ça, tu vis. À un enfant, ces vaches seraient là. Ça vit. L'enfant n'a pas la conscience, hélas. Sauf que l'adulte a la conscience, mais l'expérience fait qu'il n'y a plus le corps. Bon. Puis il n'y a plus les mécaniques pour l'exprimer. Alors, bon, la personne s'écrase là. Sauf que, disons que traditionnellement sur la planète, c'est illégal, inconcevable d'être heureux. Un adulte n'a pas le droit. L'enfant, on lui permet jusqu'à temps qu'on ne lui permet pas longtemps. C'est jusqu'à temps qu'il rentre à l'école. Bon, ça décolle. Mais, donc, pourquoi? Qui dérangeons-nous? Toute la mécanique archétypale, vous faites partie de ceux qui dangereusement peuvent créer des néotypes, qui un jour vont faire en sorte que des êtres humains qui sont manipulables et manipulés vibreront à se libérer d'un archétype et changeront de camp. Donc, vous faites partie des êtres humains qui sont capables d'amener du neuf, et le neuf fait toujours peur et mal aux vieux. Bon. Il y a un bonhomme qui est manipulé, qui va faire un détour, qui va arriver jusque-là, et lui voulait aider, mais c'est extrêmement écologique et convenable. Tant qu'on n'est pas capable de percevoir l'énergie vitale d'une personne, donc sinon il aurait vu que la personne n'a aucun problème, c'est parfait. Il ouvre sa fenêtre ou sa porte et puis il demande si vous avez besoin d'aide. Sa présence dans le décor brise l'harmonique du décor. Brisant l'harmonique du décor, vous ne pouvez plus rester ce que vous êtes. Hein? Il y a une météorite qui vient d'arriver. Et tout ce que vous avez à dire à la personne n'a aucun problème. On s'amuse. Mais ce qui va arriver, c'est que parce que la personne intervient en vous ayant dérangé, l'archétype des personnes dérangées va maintenant venir vous dicter comment vous devez fonctionner. Et l'archétype des gens qui ont dérangé quelqu'un va venir aussi vous expliquer comment vous devez fonctionner pour contrebalancer l'archétype du dérangement. Et là, il y aura une communication qui est archétypale, qui est standard. Ah, avec des petites nuances, dépendant des individus, là, parce que chaque individu exprime l'archétype à sa façon, mais on peut constater quelque chose. Et quand la personne s'en va par la suite, l'archétype reste, donc tout est brisé. Mais c'est pas à cause de l'individu. Moi, quand j'ai patrouillé avec mon ambulance, ça arrivait de temps en temps que l'hiver, on arrête, puis on allait frapper la fenêtre d'une automobile d'une personne qui, moteur en marche, était éverchée puis dormait. Bon, à toutes les fois, ou presque, on a réveillé quelqu'un inutilement. Ils ont presque toujours été frustrés, pas tous. Ben oui, mais on voulait voir, c'était mort. Et puis... Parce que vous n'aviez pas d'ouvrage? Non, à l'époque de Jean Santé, il y avait un avantage. C'était payé pareil. Fais pas ça dans le bureau du gouvernement, là. Ah oui, ça se comprend, non. En campagne, c'est différent. Ils vont à l'église pour prier pour qu'il y ait des accidents parce qu'ils sont payés avec le transport. Mais ça, c'est pas chouette. Alors, pourquoi s'arrange-t-on pour normaliser? Faire attention. On s'arrange pour normaliser pour la simple raison que vous faites mal aux gens, dans la psychologie, dans astralement. Et en plus, vous vous arrangez pour vous normaliser, mais c'est l'archétype de normalisation qui nous domine. Et qui, après ça, dicte la façon dont on devrait parler. Exemple, l'automobiliste parti, au lieu de se dire, bon, mais tu vois, il y a quand même des êtres humains capables de venir voir. Bon, éverche-toi, puis on continue, je continue à faire ce que j'ai à faire. Une fois parti, qu'est-ce qu'on fait? L'archétype vient de ramasser les archétypes des évolués frustrés. Je ne dis pas que la personne ici est évoluée frustrée. L'archétype des hippies dérangés, par exemple. Hein? Un archétype qui vient te dire, tu vois comment c'est? On était bien, c'est correct. Tu as vu l'astral envoyer quelqu'un pour venir nous déranger. C'est ça. Au lieu de continuer à vivre, là, tu fais une conférence. Pas le temps. Parce que là, tu es dans le vécu. C'est pas le temps d'expliquer des choses. Vis encore. Exemple, tu te promènes nu dans la forêt, puis pif, tu t'entends marcher dans le bois, puis il y a un garde forestier qui passe jamais là, qui s'en vient. Tu sais, pourquoi l'astral a fait que c'est un animal comme le chevreuil? C'est parce que toi, t'en fais un plat. Ah oui, mais s'il me voit à poil dans le bois, il risque d'en faire une assiette, lui. S'il fait pas un carton avec son arbre, bon. Je suis d'accord. Mais pousse-toi, cache-toi, laisse-le passer. Et puis après ça, tu continueras. Sauf que tu t'habilles, ça peut aller aussi. Parce que la personne intelligente ne sera pas nue devant tout le monde. La personne libérée, oui. Autre chose. C'est extrêmement différent. La libérée, l'intelligence ne domine pas sa libération. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'une fois qu'il est passé, tu continues, il n'y a rien de brisé. Dans son passage, il y a eu le syndrome de l'électron, il y a eu une influence, ça va. Mais la personne, elle va maintenant s'écraser sur sa roche en se demandant pourquoi, je me fais charrier. Mais c'est là que le syndrome de l'électron, il est beaucoup plus puissant que si tu fais juste te tasser puis le laisser passer. Ah oui, il va te coucher dans un arbuste, puis là, fais du menfi, respire, ou fais quelque chose d'autre, compte les feuilles. Oui, mais s'il m'attrape, t'es un garde de chasse. Je chasse pas. Pas de problème. S'il ne faut pas aider pour les raisons que tu as dites, alors pourquoi donnes-tu des conférences, séminaires, PMC, etc.? C'est ça, je n'aide personne. Si j'aiderais, j'aurais un gros karma sur le dos à un moment donné. Parce que j'aurais du monde dans le dos. Dans le monde de la mort, là. Pourquoi j'ai fait des conférences, etc., des PMC? Ce n'est pas pour aider. Je travaille pour moi. Si je veux, par exemple, il est intelligent, comme tout à l'heure je disais, tu as une crevaison, tu es mal pris, en plus tu es dans mon drive, oui, bon, dans mon entrée. C'est intelligent, premièrement, qu'il ne soit pas dans mon entrée si je veux sortir. Je sais, je pourrais juste te pousser. Fais venir une remorqueuse, à tes frais. Il y a du monde qui aime ça. Bon, il vit de ça. Casse ton char, ça t'irrisse. Après ça, il te ramasse, il te collègue, ça t'es frais. T'sais? Bon. Sauf que... moi, je considère, je vibre énormément à exprimer de l'esthétisme. percer suffisamment un individu, il va commencer à appliquer des événements, à accomplir des choses uniquement parce que c'est esthétique. Esthétique veut dire uniquement parce que c'est énergisant. Et plus souvent qu'autrement, ça devient énergifiant. Donc, faire des conférences me permet, premièrement, de répondre à des questions. Ce qui fait que je m'instruis, donc j'amène de l'énergie, au même titre que ceux ou celles qui vont être là. Les PMC me permettent de rencontrer des gens avec lesquels ça devient extrêmement synergisant, c'est-à-dire qu'on est capable d'engendrer, d'augmenter un taux d'énergie à un niveau particulier, qui nous permet à tous de comprendre des choses différentes. L'avantage que d'autres comprennent des choses différentes, c'est que progressivement, ça néotype le monde de la mort, donc ça pilonne, c'est un terme très PMC, pilonne les archétypes, ce qui force inconsciemment plusieurs individus sur la planète, qui sont reliés à des religions, à être instruits différemment, à devenir écologiques, conséquentiels, à être capables de respecter l'humain, pas de respecter le sexe de l'humain. Tu sais, je respecte la femme, mais tu respectes pas l'homme, tu respectes pas l'humain. Parce qu'il y a encore une vision différente. C'est comme, moi, je suis pas raciste, on devrait tous, chacun, avoir un noir dans sa maison. Bon. Faire le ménage. Évidemment. Alors, il y a quelque chose. Moi, c'est évident que je gagne énormément en énergie à vivre dans un monde, sur une planète, où de plus en plus il y a traces d'intelligence. De ce fait, je n'aide pas les personnes, mais les personnes qui vont assister aux conférences, il y a un échange d'énergie, donc il ne m'aide pas. C'est-à-dire que c'est évident que quand vous assistez aux conférences, ça m'aide. Le faites-vous pour m'aider? Non. C'est évident qu'en faisant des conférences, ça l'aide. Est-ce que je le fais pour aider? Non. Pourquoi le faisons-nous? Parce que ça va. C'est tellement simple. Quand j'aide pas. Mais disons, si je porte assistance à une personne en détresse, dans ton drive-way. Ou sur la rue, en cas d'accident. C'est parce que ça va. Mais je ne peux pas arrêter parce que je me sens manipulé d'avoir arrêté, parce que je me sens, etc., etc., etc. Ce n'est plus moi, c'est l'archétype, c'est l'égrégore, ce n'est pas moi. Je te prie, j'ai arrêté, je le faisais. Maintenant, je ne suis plus pris comme ça. Et quand je vais porter assistance, c'est parce que ça allait. C'était ça, c'était bien. Quand tu vas vendre ta maison, je vais m'en occuper. Je vais mettre une annonce, maison spéciale, pas de driveway. Ça va se vendre. Il y a de la place dans le nid, pas de driveway, deux entrées. Est-ce que l'énergisation du corps mental se fait seulement par la conservation de son énergie physique, vitale et astrale, ou y a-t-il un autre moyen? Ça se fait uniquement par cela, mais l'énergie ne peut servir le mental si de temps en temps vous ne faites pas certains exercices mentaux. En l'occurrence, au minimum, discuter entre deux individus, 3 ou 4 ou 15, sans discuter très chaudement, sans vous engueuler. L'engueulade, l'archétype encore une fois. On parle, disons, de réincarnation un beau soir, puis l'autre parle de résurrection. La résurrection implique le fait qu'il y a un Dieu qui va ramener les morts à la fin des temps et qui va se départir d'à peu près 800 milliards d'individus pour les envoyer en enfer. Parce que s'il ramasse tout le monde, il n'y aura pas assez de monde, il y aura la fois qu'il développe la planète, qu'il l'ouvre, tu sais, qu'il en fasse une grande plateforme, il n'y a pas assez de place sur la sphère. L'autre parle de réincarnation, puis la réincarnation, il y a des âmes qui s'incarnent, des âmes qui se réincarnent, puis à un moment donné, on peut s'obstiner là-dessus. Alors, il va réchauffer. Mentaliser veut dire allons-y uniquement par logique. À un moment donné, quelqu'un dit oui, mais tu n'as aucune preuve de la réincarnation. Dites pas tu ne sais même pas de la résurrection. La mentalisation va dire t'as raison, j'en ai pas. Mais toi non plus. Bon. Si l'archétype va faire en sorte, à un moment donné, pour préserver l'intégrité apparente des individus, que si ça devient trop chaud, on va commencer à mettre des raisons émotives, on va commencer à s'obstiner. Alors, mentaliser les choses veut dire être capable de logiférer, d'avoir une vision et une gestion logique de la mémoire et de l'expérience. On peut se crier ça par la tête sans s'engueuler. Exact. Ça, c'est fun, ça. Et une personne qui ne sait pas ce qui se passe, elle est convaincue que vous allez vous engueuler, que vous vous engueulez même. Alors que non. Mais c'est pas nécessaire de se rendre là. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit apprendre à mentaliser. Mentaliser veut dire être capable de mettre de la logique dans notre comportement et de la logique dans ce que nous faisons. Donc, une chose. Est-ce que, par exemple, on amène un point matériel stationné dans les stationnements réservés aux handicapés, lorsqu'on n'est pas handicapé et qu'on n'a pas d'handicapé à bord de l'automobile, est-ce intelligent? Non. Ceux qui le font vont dire, ben oui, c'est intelligent quand tu n'as pas de place nulle part où tu veux que tu ailles. Ceux qui le font. Et quand je dis mentaliser, ben mentaliser veut dire laisser faire ce que nous sommes, s'extirper de cela. Est-ce intelligent? Non. Et c'est pas parce que je le fais que c'est intelligent. Celui qui le fait quand même, il est handicapé. Oui. Mentalement. Mais c'est un stationnement astral qui en a besoin. Pas un stationnement matériel. Serait-il mieux que l'ego nerveux au niveau du chakra du nombril serait mieux placé au niveau du cœur pour un contact avec un ajusteur et comment le faire grimper tout en étant plus stable? Et est-ce que les chakras ont une importance? Il y a de cela à peu près 20 000 ans, les centres d'énergie, carrefour d'énergie, n'étaient pas opérationnels chez l'humain. L'énergie était montante, tellurique, elle montait à travers la relation sexuelle surtout, à travers la marche du pied, à travers la mortification du corps physique, à travers des carrefours d'énergie le long de la colonne vertébrale. On appelait cela le Kundalini à l'époque, ou les feux sacrés de la Kundalini. Du Muladhara Chakra aller jusqu'à la glande pinéale qui est le chakra coronal au niveau de la tête. Et c'est ce qui se passait, ça réveillait des choses. Tout ce qui doit être réveillé l'est déjà chez vous. L'archétype fondamental peut même finir par faire en sorte que l'individu a passé des années à travailler sur un chakra qui est opérationnel et ouvert, mais que l'individu perçoit encore comme étant fermé et inopérationnel, alors que du point de vue du corps physique, il fonctionne. Et ne vous fiez pas sur un voyant pour décider comment fonctionnent vos centres d'énergie. Lui va voir vos centres d'énergie en fonction d'une lecture archétypée. Il vous regarde la face, là, puis il ne vous dit pas bébé évolué, là, fait qu'il regarde, là, puis il a la preuve de ce qu'il voit. Ça n'a rien à voir. Bon. Est-ce que lui voit ce que nous, on pense qu'on a? Oui. C'est ce qui est exprimé au niveau de l'astral par la perte d'énergie. Donc, en partant, on ne peut pas se fier. Maintenant, ce qui arrive, comment faire en sorte comment rendre opérationnel ou comment pouvoir se servir plus facilement de ce que nous sommes? Vous êtes complet. Maintenant, on doit se servir de ce que nous sommes. On doit cesser de continuer à mettre du bagage. Neuroniquement, on est presque parfait. Nerveusement, on l'est. Endocrinalement, c'est bon, c'est bien. Alors maintenant, on doit s'en servir. On revient encore à une idée très simple. On va en reparler. Les deux prochaines conférences, mais on va aussi revenir à un moment donné au cours de l'année, parce que, puis l'année prochaine, l'année d'après, puis dans quelques années, on pourra en parler plus profondément. Bon, au niveau des conférences publiques, on peut en parler plus profondément immédiatement au niveau des conférences régulières réservées aux séminaristes. Puis je ne dis pas ça uniquement pour que les gens fassent un séminaire, c'est qu'à un moment donné, quand les gens en sont à un certain niveau, on peut passer avec un vocabulaire et une forme d'énergie, puis une forme de conférence à plus d'obligation de mettre en pratique. La personne va s'implanter elle-même des mécaniques, des mémoires d'intervention qui vont la réveiller à certains moments donnés. Alors, elle va arriver quelque part et elle va se sentir gênée, puis immédiatement, elle voit qu'elle est gênée. Elle est plus mal prise que celui qui ne le voit pas. Bon, sauf que maintenant qu'elle le voit, elle doit lutter pour... Sans se culpabiliser, elle perd, ou à un moment donné, elle va finir aussi par traverser le bord, donc elle va jeter un mur à terre. Mais c'est préférable de jaser plus profondément à des individus qui, à un moment donné, ont décidé qu'ils voulaient jaser plus profondément, alors qu'en conférence régulière, bien, les personnes viennent, il y a des nouvelles personnes, etc. Déjà que le vocabulaire ne se comprend pas avant, normalement, 2, 3 ou 4 conférences, faut quand même qu'on s'ajuste. Donc, ce que la personne doit faire, c'est s'asseoir devant un miroir, complètement nu, un grand miroir. Un miroir nu ou deux personnes? Les deux. Oh, elle peut aussi faire de la course dehors, habillée. En quoi qu'elle pourrait se faire chez vous. La personne, elle doit être capable de s'observer telle qu'elle est. Et la première démarcation dans l'évolution, même au niveau des centres d'énergie, pour parvenir à une forme de transparence, parvenir aussi à un savoir instantané qui permet à l'humain de savoir tout ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire, c'est de s'accepter tel que nous sommes. Mais tel que nous sommes ne veut pas dire de, en réalité, s'accepter, de se tolérer tel que nous sommes. Cela veut dire que tout, ouais, c'est ça, c'est tellement simple là, que je le dis simplement, mais en même temps, je sais que ça sera difficile à comprendre. Ce que tu dis, s'accepter tel que nous sommes, pour la majorité, j'ai l'impression que ça peut être perçu comme tel que nous ça. Pensons voilà, que nous sommes. Ce qu'on va faire à la place, on va faire l'inverse. Plus de miroir. On se rhabille. Si tu veux. Mais éliminer toute l'accréditation des miroirs que nous avons autour de nous. Et ça, c'est la réussite totale. Ça veut dire des inhibitions, ça veut dire rejet des barrières, ça veut dire énergification, construction d'un dôme éthérique, ça veut dire processus d'engendrer de fusion, on va revenir là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui que ce soit qui soit autour de vous, vu que vous ne vous fiez plus à l'onde de forme qu'il vous renvoie, parce qu'il sert de miroir, si tu fais le coucher à terre, es-tu malade? Donc, il trahit ce miroir. T'étais étendu au sol, mais tu ne savais pas que tu étais étendu au sol. Jusqu'à temps que l'automobiliste arrête pour te le dire. Si on est capable d'éliminer toute la forme des miroirs autour de soi, nécessairement on ne pourra plus se fier à rien de ce que nous ne sommes pas, et nous serons ce que nous sommes. Mais parce que nous serons ce que nous sommes, nécessairement nous allons devenir un violent miroir pour autrui. Et là, c'est pourquoi on doit, à un moment donné, rencontrer des gens avec qui on peut faire une démarche, pas de libération de démarche, de désinhibition de démarche, d'anégoïsation, pour ne pas subir toujours le courroux des autres. Parce que si vous devenez un miroir pur pour autrui, ils auront deux possibilités. Mais ils appliqueront celle de l'archétype, détruire le miroir. Voilà, tu dois le voir. Détruire le miroir. Le normaliser, etc., etc., jusqu'à l'éliminer. Comme Gandhi devenait un problème. Mon patron décide de me suspendre 2 jours parce que j'ai trop de plaisir au travail. Par les pieds ou par les mains? C'est pas indiqué ici. Okay. Parce que j'ai trop... Bon, on va peut-être le voir dans la suite. Parce que j'ai trop de plaisir au travail et que j'en donne aux autres, ça doit être par les pieds. Oui, mais est-ce qu'il y a une niaise au travail ou c'est du plaisir au travail? Même si on reste aussi efficace. Ah, le patron n'est pas brillant. Il me bouscule, me gueule après. J'essaie de ne pas pleurer devant lui. Elle devrait pleurer devant lui, ça le culpabiliserait assez qu'il arrêterait. Dehors, je pleure pendant 1 heure sur la rue. Mais elle devrait pleurer devant lui. En plus, son ego, le miroir, encore une fois. Le patron voit des miroirs dans sa compagnie. Si l'efficacité n'est pas diminuée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est illégal d'être heureux. L'efficacité, elle dit, bon, on va dire que la personne, on va faire confiance, l'efficacité du travail n'est pas diminuée, ce qui se peut fortement. Le patron rentre là-dedans, il y a un miroir. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Tout ce qu'il n'est pas, en réalité, tout ce qu'il aimerait être. Qu'est-ce qu'on fait? On brise le miroir. La personne, elle n'ose pas pleurer devant le patron. Oh, qu'elle devrait donc. Oh, qu'elle devrait donc. C'est un coup bas, mais elle devrait. Dehors, je pleure pendant 1 heure sur la rue. Où est l'évolution dans tout ça si je ne peux plus résister à l'agressivité sans pleurer, alors que lui ne devrait plus y penser 5 minutes après? C'est ça l'évolution. Tout à l'heure, on en a parlé. C'est que la personne devient plus sensible vitalement. Donc, elle réagit plus fortement à des mécanismes. Comme tout à l'heure, je disais, tu vas dans une chambre d'hôtel, ah, je dormirai pas ici. Eh bien, voilà, le patron fait certaines choses, puis elle se fait ramasser. Sauf que ce qu'elle doit. Premièrement, elle pleure, mais la problématique, ce qu'elle aurait à apprendre, justement, c'est que le fait de pleurer, ce n'est pas grave. Ça ne dérange rien. En plus, ça l'aide même. Pas juste parce qu'on se défoule de ce qu'on vient de vivre là. C'est parfait, ça donne une raison de broyer. Maintenant, va chercher toute ta nostalgie possible imaginaire, puis broye-la en même temps. T'sais, pense à ta mère qui est décédée, ou pense à ton chat que t'as pas eu. Pense à tout. Vas-y, mets-en. Et tu vas purger de l'antihomme, la personne va rajeunir progressivement. C'est un problème. Plus elle va rajeunir, plus l'autre va faire broyer. Parce qu'elle va être de plus en plus heureuse au bureau, au travail en tout cas. Elle est plus irritable. Pas irritable, elle est plus sensible. Ce qui est très bon. Très bon. Mais parce que l'archétype vient toujours nous amener sur le dos que quand tu pleures, tu es malheureux ou malheureuse, on ne veut pas pleurer. On lutte, on se pose des questions, on résiste, on se pense faible. Mais ça n'a rien à voir. Néotypé un peu. Il n'y a pas aussi une partie de guerre d'ego entre l'employé et le patron, l'employé qui ne va pas pleurer devant le patron. Il y en a une énorme, qui perd beaucoup d'énergie. Alors, moi, ça m'arriverait, puis il me ferait ça, ça vient que j'aime broyer, je ne suis pas à broyer. Puis, vous allez voir, qu'il revient de mon gueule après. Il va procéder différemment. Parce que, ce serait même bien, la personne pourrait créer une différence de potentiel dans l'écho du patron. Le patron, lui, il voit juste du bonheur et ça l'enrage. Puis, à un moment donné, ce bonheur, il est pur. Personne ne pourra pleurer. Il va faire attention avant de briser le cristal la prochaine fois. Dans quelle mesure la terrestrification est-elle une perte d'énergie et de quelle façon elle l'est? Terrestrification, pour ceux qui parlent une autre langue, grounded. Alors, être grounded, une autre langue. La personne, elle augmente un peu son potentiel vibratoire, puis à un moment donné, l'information qui est gérée dans sa conscience n'est pas utilisable dans sa vie. Elle lâche son emploi parce qu'elle voit telle chose, ou elle fait ceci, elle fait cela, donc elle n'a plus les pieds à terre. Les personnes qui fument normalement, fument pour se terrestrifier. S'ils ne fument pas, sont infonctionnels ou méfonctionnels, disons, ils manquent de fonctionnalité, alors ils vont fumer quelque chose et puis là, ça devient fonctionnel. La boisson peut faire ça de temps en temps, manger peut faire ça, s'engueuler peut faire ça, la relation sexuelle peut faire ça. Ce sont des terrestrifications, c'est-à-dire des canalisations d'énergie, c'est-à-dire que vous brûlez un peu d'énergie parce que vous n'êtes pas capable de gérer le surexcès d'énergie que l'on a. Mais rire, appeler poumon, c'est une façon parfaite de s'énergifier, pas avec des farces idiotes, là. Être capable d'être suffisamment instantané pour commencer à prendre plaisir puis rire. Et là, non seulement l'énergie sert à la restructuration solide du corps physique, ça sert à l'harmonisation des différents plans chez l'être humain, que ce soit supramental, mental, astral, vital et physique, astral au niveau psychologique et émotif. Rire. Et là, l'individu va pouvoir se régler ça d'une façon. Ce sera une terrestrification extrêmement constructrice. Les autres terrestrifications permettent à l'humain de garder sa stabilité planétaire, mais nécessairement, ça étire un peu son énergification, le temps. Est-ce qu'on se terrestrifie aussi, et presque volontairement, en se créant des problèmes, des surcharges de travail, des endettements, des tout ce que tu voudras? Oui. Fait que je suis mieux de continuer de fumer que de m'endetter. Non, je vais chercher une autre raison. De cesser de fumer, parce que tes enfants aimeraient ça. C'est des affaires, faut pas dire, parce que l'adulte le sait, puis quand quelqu'un vous y dit, là, vous l'insultez. Hein, c'est vrai, l'ego, c'est ouais. C'est bon. Ça marche. Sauf que c'est comme ça pareil, mais c'est pas grave, on n'a rien à faire. Et, en plus, tu devrais cesser de t'endetter, puis d'endetter les autres. Ouais, j'ose pas, les autres, c'est leur affaire. L'énergie vitale qui parcourt la colonne vertébrale, qu'en advient-elle si des vertèbres sont subluxées le long du trajet? L'énergie peut-elle passer? Ça longe la colonne vertébrale parce que ça donne que ça longe la colonne vertébrale, mais ça n'a vraiment pas besoin de la colonne vertébrale. Ce sont des méridiens, il y en a quatre entre autres. Un méridien, c'est pas physique? C'est vital. On peut les détecter avec des appareils électriques maintenant, parce que c'est assez sensible, mais c'est vital, c'est pas physique. Donc, il n'y a pas de problème. C'est évident qu'il y aura un problème de circulation du liquide céphalo-rachidien. Ça refroidit le cerveau, ça nettoie le cerveau, et des petites choses dans le genre. C'est pas la mer à boire. Mais il n'y a pas de problème au niveau de l'énergie. Si une personne dirait, bon, par exemple, moi, je souffre d'une cyphose, alors est-ce que pour mon évolution, ça peut nuire? Tant que tu souffres d'une cyphose, oui. La polarité. Que se passe-t-il au niveau énergie? Comment se protéger du vampirisme? Bon, c'est une question complexe. Vous ne devriez jamais recevoir de massage ou de traitement de polarité d'un individu avec lequel vous n'êtes pas en harmonie. Je ne parle pas en amour, je parle en harmonie. Premièrement. Mais il y a des professionnels, des masseurs professionnels qui sont... Est-ce que tu exclus tous ces masseurs-là? C'est ça. Oui? C'est ça. OK. Faut qu'il ferme son nouveau bureau. Oui. Mon salon de massage que je voulais ouvrir. C'est ça. Fini. Oui, on doit... Et la polarité, c'est encore une question de problématique, c'est-à-dire que l'être humain est stable polaritairement. Il est émotif, c'est-à-dire qu'il est négatif et positif. Donc, il est blanc et noir. Mais on parle toujours... C'est que le problème de la polarité, c'est qu'on a toujours péjorativé la polarité. Négatif, positif, en électricité, lequel est le moins bon? Les deux sont nécessaires. Oui, les deux sont dangereux. Ensemble. Donc, les deux sont mauvais ou les deux sont bons, mais ni un ni l'autre n'est problématique. Mais quand on parle de polarité, polarité négative, Satan, polarité positive, Yahvé, donc force satanique, force yahvique. Moi, pas dedans du tout. Dans toutes les religions, les deux sont présents. Essentiel pour créer le mouvement. Bon. On va dire énergie yang négative, féminine, énergie yin solaire positive, masculine. On reste encore avec l'idée de faiblesse d'un bord, de négativisme d'un côté. La polarité, l'homme a un corps physique positif dans l'expression, mais négatif aussi. Mais dans l'expression positive, la femelle, elle a un corps physique négatif, donc réceptif, dans l'expression. Elle aura un corps vital positif dans l'expression, elle donnera la vie. L'homme aura un corps vital négatif dans l'expression, recherchera la sexualité. La femme aura un corps astral émotif qui sera négatif dans l'expression, aura besoin d'affection. L'homme aura un corps astral positif dans l'expression, donnera, gueulera, fera la guerre. Pour donner de l'affection aussi, pour engendrer la violence. La femme, elle a un corps mental positif dans l'expression, donnera des idées, tu sais, manipulera le bonhomme pour qu'il invente des trucs, des choses dans le genre. Le bonhomme a un corps mental négatif, alors pour avoir les fesses de sa femme, il inventera le mobilier, la couleur, il réparera le toit, il fera bien des affaires. Bon, ça c'est une polarité qui, dans l'expression, s'adresse uniquement à l'animal humain. Parce que dans l'Antiquité, l'humain ne pouvant savoir que la relation sexuelle engendre les enfants, donc la procréation, établit le processus de réincarnation, l'homme a un besoin vital de la sexualité, alors il pourra donc féconder avec les femmes, avec n'importe quelle femme, parce qu'il doit créer, et la femme, elle, ne doit pas avoir besoin de sexualité, par contre, elle aura besoin d'affectivité, ce qu'elle va pouvoir aller chercher avec l'enfant. Donc, la femme s'occupera des enfants, même le nouveau-né, tout gluant, tout plissé, elle le trouvera beau. Le cerveau va ajuster ce qui n'est pas correct pour que ça fitte, pour que ça vibre avec ce qu'elle est. Le bonhomme, lui, pas besoin de ça, il va continuer à faire d'autres choses. Jusqu'à un moment donné où la sexualité devient une question d'évolution du point de vue des énergies. Jusqu'à un moment donné où on va essayer de créer des raisons logiques de la sexualité. La relation de couple, ça passe par la sexualité, même si on n'a pas d'enfant. C'est ridicule. Mais ça, c'est l'archétype, encore une fois, qui ne veut pas s'en sortir. Jusqu'à un moment donné où on aura des relations d'énergie qui passeront différemment. La polarité, c'est lorsque nous considérons que nous sommes encore animal humain et nous sommes encore obligés d'exprimer uniquement positif, négatif pour l'homme, négatif, positif pour la femme, et on parlera de polarité. On parlera aussi de désajustement yin-yang. On ne touche pas le minal. Ça fait partie, disons, de la mécanique polarisée. Il y a plusieurs visions, des visions qui s'adressent à l'animal humain au niveau de plusieurs choses. On peut dire à n'importe quel être humain, sois donc heureux. Tu n'auras pas besoin de polarité ou de ci ou de ça. Tu n'auras pas besoin de rien. C'est vrai. Sauf comment être heureux quand l'archétype te dit comment tu dois être heureux. tu dois être heureux, là, jusque-là. Plus que ça, faut que tu te sentes coupable parce que les autres ne le sont pas. Tu sais, comme on en parle souvent, la personne qui survit d'un écrasement d'avion, elle suit des cours de thérapie par des psychologues parce qu'elle se sent coupable d'être la seule survivante. Rien, non. Mais c'est vrai, c'est fréquent. Qu'est-ce que le double éthérique? Bon. Le double éthérique, c'est la constitution absolument, c'est une copie conforme de votre corps vital, totalement départie de la coloration de l'astral, donc c'est une copie conforme dans ce qu'on appelle le plan moronciel, qui est l'endroit où vont les âmes avant de gagner le monde de la mort. Lorsqu'un corps physique est inanimé, un arrêt cardio-respiratoire et cérébral par exemple, l'âme est dans donc toute la gestion de l'expérience vibratoire de l'humain se retrouve à l'extérieur du corps physique. C'est pourquoi Dr. Raymond Moody en a parlé souvent. Les personnes disent avoir vu leur corps, avoir vu les médecins, enfin le personnel médical travailler dessus. Et à un moment donné, ils vont voir de la lumière, ils vont voir des entités qui viennent les rejoindre. Et elles sont dans le plan moronciel, dans le plan vital. C'est là que les doubles éthériques se constituent. Et les entités moronciennes aussi. Et à un moment donné, si elles meurent, eh bien, elles vont suivre les entités en question, puis elles vont gagner un monde où elles seront digérées dans ce monde-là. C'est le monde de la mort, le ciel, là où vont les âmes après la mort. Et le corps physique n'est pas réanimable. Il sera comateux ou encore on va l'enterrer ou l'incinérer. Bon. Si on réanime le corps physique, le corps devient plus puissant en termes d'attraction et va attirer la personne plus que les entités qui sont venues la chercher. Et on va réintégrer le corps physique, on la réanime. Le double éthérique, c'est une création, on parle souvent de double de lumière, de corps de lumière, c'est la création conforme de ce que vous êtes en tant qu'entité pure. Placé dans le plan moronciel, c'est-à-dire que présentement, pour la majorité des êtres humains, il n'y a que des parties éthériques dans le plan moronciel d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas encore un double suffisamment constitué pour que lorsque le corps physique va mourir, que dans le plan moronciel, elle ne gagne pas le monde de la mort, mais qu'elle soit tirée par le double. Là, elles vivront un processus de réincarnation qui sera, elles se rappelleront totalement ce qu'elles ont été, ce qui n'est pas le cas présentement, parce qu'elles sont dilapidées dans le monde de la mort. Le double éthérique, c'est donc, on va en reparler surtout vers la fin février. Le double éthérique, c'est une entité qui est créée chaque fois que l'être humain s'égoïse. Chaque fois que votre ego diminue en puissance, la capacité de conserver la conscience lucide après la mort augmente en volume et en puissance. Lorsque le double éthérique est suffisamment constitué, ça veut dire que l'être humain est en contact avec son intelligence, l'énergie supramentale si on veut, énergie christique c'est la même chose, elle est suffisamment transparente, elle a suffisamment de capacité à être heureuse, ça vient avec le temps, et elle est capable d'accepter n'importe quelle mécanique neuve sans problématique, elle ne vit pas d'insécurité, elle aura nécessairement de l'abondance de vie autour d'elle comme on l'a vu un peu au début de janvier. Et elle est immortelle du point de vue de sa conscience lucide si le corps physique meurt. Est-ce que l'intelligence est en contact avec le corps physique par l'intermédiaire du double éthérique? Ou si c'est l'intelligence au corps physique qui, elle, le retourne au corps physique? Bon, c'est une bonne question. L'intelligence est en contact avec l'être humain par la voie du mental de l'homme, par ce qu'on va appeler, à un moment donné, un ajusteur de pensée, qui lui va travailler avec ce qu'on appelle aussi un rectificateur de pensée. Bon. C'est évident qu'il y a beaucoup de mots bizarres pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce vocabulaire, la question est intéressante aussi, elle fait partie des réponses neuves, donc des mots neufs aussi. Mais à un moment donné, on finit par s'habituer. L'ajusteur de pensée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que tu dis à quelqu'un, « Aimes-tu mon chapeau? » On vient pour répondre « Oui », et on répond, « Toi, tu l'aimes-tu? » Alors, l'ajusteur vient de rectifier en fonction de ta logistique et de ton intelligence, ta parole, donc tu n'es plus manipulable autant par l'archétype de pensée. Il y a un ajustement qui va se faire progressivement. La rectification de pensée, elle, va rectifier les colorations qu'un ego va faire de façon à vous rendre des choses bizarres. Par exemple, vous allez voir un arbre laid. Le rectificateur va rectifier et vous allez voir un arbre neutre. Vous n'avez pas encore l'intelligence pour dire un arbre, c'est un arbre. Mais vous le voyez neutre. Il n'y a pas de polarité qui s'attache à l'arbre. C'est déjà mieux, le rectificateur. progressivement, l'ajusteur de pensée va engendrer une structure de négociation. Alors, de temps en temps, il va vous révéler de la réalité en plein visage. Ce qui choque, surprend, déstabilise. C'est comme si on ôtait une béquille, mais on n'a plus de béquille, puis on a encore un plâtre. Et progressivement, l'ego va commencer à fondre, il y aura donc une égoïsation, et là, tu commences à créer le double éthérique. L'ajusteur de pensée, à un moment donné, va se fusionner à toi, c'est-à-dire que tu vas toi-même être un ajusteur, tu vas t'ajuster, ça va faire partie de toi. Et tu vas continuer à vivre une égoïsation qui va engendrer un double éthérique, et à un moment donné, le double éthérique va être celui qui va recevoir l'intelligence supramentale, ton intelligence à toi va commencer à se placer dans le double. Celle qui provient de ta matière corporelle, l'ajustement avec l'expérience et le temps. Celle qui provient de l'instantanéité, donc de l'inexpérience entre le temps et la matière. Progressivement, vous allez développer une bilocation de conscience. Présentement, l'homme, la femme, l'enfant ont souvent une quadrilocation de conscience. Conscience dans le corps, conscience dans la vie, conscience dans l'émotion, puis conscience dans l'intellect. À un moment donné, tout ça se fusionne et on aura une bilocation de conscience, vision humaine des choses et vision cosmique de la mécanique. Donc, vie expérientielle dans le double éthérique et vie expérientielle dans le corps physique. À un moment donné, le double éthérique va se rapprocher par attraction, plus il y aura rayonnement et plus il y aura une égoïsation dans le corps physique, ce qu'on appelle une âme pure, une âme transparente, l'énergie la traverse sans être colorée ou sans être réfractée. Le double éthérique va venir rejoindre l'âme, va se fusionner totalement avec le corps physique. À partir de ce point-là, l'humain est totalement d'une autre espèce. Ce n'est plus un animal humain, ce n'est plus un être humain, c'est un être. Alors, on va revenir à un moment donné, mais c'est des questions qu'on touche surtout au niveau du séminaire, parce qu'on doit prendre énormément de temps pour en parler, parce que c'est évident, en parlant comme ça, là, c'est comme ça vient de où, ça, c'est comme ça tombait, là, on ne sait pas trop où, du plafond. Alors, il y a une démarche qui doit se faire un peu. C'est comme si je vous dis, pour régler, par exemple, un problème cardiaque, on prend de la nitroglycérine, hein, qui est un explosif violent. C'est de la trinitroglycérine. C'est ce qu'on prend en petite pilule, mais sans la langue, puis bon, ça l'aide. Si on amène juste ça comme ça, quelqu'un qui pose la question, quand j'ai un resserrement au niveau du cœur, qu'est-ce que je peux faire? Prenez de la nitroglycérine. Ça a l'air de tomber du plafond. Si on explique toute la mécanique qui fait que, les individus vont comprendre. Quand on parle du double éthérique comme ça pour la première fois, évidemment, ça fait un peu complexe. Est-ce que l'ajusteur de pensée et le rectificateur de pensée sont plutôt en contact avec l'intérieur de ce que tu disais tantôt, de l'être pur ou avec l'intelligence? Ils sont en contact avec l'être pur et avec l'intelligence. L'être pur, c'est chaque fois que vous parvenez à être capable d'apprécier sans égo, sans jalousie, quelque chose de convenable sur la planète, ça c'est la preuve que l'être humain a une conscience qui est pure, une conscience pure, une conscience lucide chez elle. Bon, chaque fois qu'on est capable d'apprécier à sa juste valeur, je parle de boire l'onde de forme, de se nourrir de la présence d'un paysage, d'un être humain, d'un événement ou d'une parole, sans qu'il y ait de sécrétion émotive, donc on fait partie, ça s'appelle au sentiment, cela est, c'est la preuve qu'il y a premièrement quelque chose de pur à l'intérieur de l'être humain, qui grandit, et le contact se fait avec ça, comme avec le phénomène de l'intelligence. Merci. Bonne semaine. À la semaine prochaine, on poursuit dans la même lignée, et puis on se revoit. Bonne semaine prochaine. Et bonne fin de semaine avant la semaine prochaine. Thank you. Dans le...